إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on a commencé donc la semaine passée à lire à la fin des distinctions qui existent entre la da'wa salafia et la voie de la secte des sururiyya, hein? Et on a parlé de ça justement parce qu'on est arrivé au point numéro 5 dans le livre où il parle de Mohamed Surur ibn Naif Zain al-Abidin. Donc lui c'est un Syrien et c'était un Ikhwani, et c'est lui qui a fondé ou qui a créé le groupe qu'on appelle ou la secte qu'on appelle As-Sururiyya. Et on a expliqué qu'il y a plusieurs distinctions qui existent donc entre la Salafiyya et la voix de ces gens-là, de Sururiyya. Pourquoi? Parce que c'est important de faire ces distinctions-là parce que ces gens-là, ils prétendent faire partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ils se disent être salafis. De la même manière que, par exemple, les Asha'ira, ils disent qu'ils font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Hein? Les Asha'ira, ils disent qu'ils font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, alors qu'en réalité, hein, ils sont en opposition avec la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a sur les questions des noms et des attributs d'Allah et sur beaucoup d'autres questions de la Aqidah. Donc, c'est important donc de ne pas se laisser tromper par ces gens-là et de savoir comment les remarquer, comment les reconnaître et savoir les différences qu'ils ont dans leur aqidah et dans leur manhaj avec la aqidah et le manhaj de Ahlus Sunnati wal Jama'a en vérité. Donc, on est dans le cours numéro 28 aujourd'hui et on va continuer à lire la liste des distinctions qui existent entre les salafiyoun et les Sururiyya, Sururiyoun. Et il y a de nombreux ulama qui ont mis en garde contre As-Sururiyya. Parmi eux, il y a le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, le Cheikh du Yémen, le grand savant du Yémen, rahimahullah, qui a fait une cassette sur As-Sururiyya qui s'intitule Hadihi As-Sururiyya Fahdharuha. Il y a un Cheikh, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Qutbiyya. Al-Qutbiyya hiya al-fitna, fahdharuha. Donc, dans ce livre-là, il parle des sururiyya et il parle de d'autres groupes également, parmi les groupes d'égarements, et il explique par exemple leurs idéologies et leurs égarements. Et il y a le Cheikh Ahmed al-Najmi, comme j'ai mentionné au dernier cours, dans son livre Al-Mawrid al-Udhb al-Zulal, qui mentionne la secte des sururiyya en détail, et j'ai mentionné dans ce cours-là que j'avais traduit une partie de son livre à ce sujet-là dans la traduction que j'ai faite du livre du Cheikh Mohamed Al-Wassabi, son livre qu'il a intitulé 20 points sur la secte des Sururiyya. Ok? Et j'ai donc traduit une partie du livre de Cheikh Ahmed Al-Najmi dans cette traduction-là que j'ai faite du livre de Cheikh Al-Wassabi. Et donc, celui qui veut avoir plus de détails en français sur ça, il peut retourner à ce livre. Parmi leurs caractéristiques, on avait mentionné qu'ils défendent les gens de bid'ah, qu'ils critiquent les ulama d'Ahlus Sunnah, qu'ils font le takfir. Hein, ça, c'est leur plus grosse caractéristique. Donc, ils se montrent comme étant, ou ils prétendent avoir des aspects d'Ahlus Sunnah, mais ils contredisent d'autres fondements parmi les fondements des salafs. On est arrivé au point où le cheikh expliquait que les salafis, eux, ils considèrent qu'on doit, parmi les fondements, il faut écouter et obéir aux dirigeants dans le bien. Et ils interdisent de, le fait de sortir contre les dirigeants, par n'importe quel moyen que ce soit. Tant que, ces dirigeants-là ne sont pas kuffars. Et parmi les moyens que ces gens-là utilisent pour se rebeller ou se révolter contre les dirigeants, il y a l'appel à faire des manifestations. Puis on a vu dernièrement les manifestations qui se sont produites dans les pays musulmans. Qui était derrière ça, puis qui est-ce qui encourageait ça? C'était en particulier ces gens-là, les Sururiya et d'autres, et également parmi les groupes d'égarement et parmi les groupes de dalal, les Ikhwan al-Muslimoun et le groupe de la secte des Ikhwan al-Muslimoun et la secte des Sururiya, ils sont ensemble là-dedans, ils sont d'accord là-dedans. Et à Montréal, parmi ceux qui encourageaient ça, il y a plusieurs mosquées et plusieurs imams de différentes mosquées qui sont en train d'encourager ces choses-là. Et ils parlent au nom de l'islam alors que on sait très bien que ces choses-là sont contraires à l'islam. Et on a ramené les preuves du Coran, de la Sunna et des paroles des sahaba et des salafs à ce sujet-là. Et il y a plein d'ulama aussi qui ont parlé de ça parmi les grands imams, comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani et les autres grands savants de l'islam qui les suivent par la suite. Ils ont tous interdit ces choses-là. Et ils ont déclaré que ces choses-là, c'est des choses qui viennent des kuffars et que ça fait partie des bid'ahs, parmi les bid'ahs des khawarij, et que ceux qui appellent à ces choses-là ou qui pratiquent ce genre de choses-là, ce sont des gens de bid'ahs. Tandis que pour les sururiyoun, eux, au contraire, ils considèrent, eux, que ça c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est bon, puis ils pensent même que ça fait quelque chose, que ça fait partie de l'islam. Et ils encouragent à se rebeller contre un dirigeant qui fait des péchés. Et ils essaient toujours d'amener des shubuhat, des doutes. Comme par exemple, ils vont utiliser comme prétexte ou comme argument l'idée que c'est une question de divergence. Ah, il y a divergence. Donc ils vont essayer de rendre ça halal. Ils disent c'est une question d'ijtihad. Alors que c'est pas vrai. Ensuite, le cheikh, il mentionne une autre frère qui a écrit ce texte sur Sahab. Il mentionne, il dit « As-salafiyoun la yarmouna bil-irja man lam yukaffir tarik as-salah takasulan baynama as-sururiya al-qutbiyoun as-sururiyoun al-qutbiyoun yarmouna bil-irja man lam yukaffir tarik as-salah takasulan » Donc, il dit que les salafiyoun, ceux qui sont salafis, ils ne déclarent pas faire partie des murji'a, ceux qui ne déclarent pas la personne qui abandonne la prière par paresse comme étant un murji'. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, on sait que il y a divergence d'opinion entre les ulama au sujet de celui qui abandonne la salat. Parmi les ulama, il y en a qui disent que celui qui abandonne la salat par paresse, il est kafir. Et d'autres savants disent celui qui l'abandonne par paresse, il n'est pas kafir. D'autres disent il est kafir. Donc il y a divergence d'opinion entre les ulama sur ça. En ce qui concerne celui qui l'abandonne en niant son obligation, tous les ulama sont d'accord pour dire qu'il est kafir. Si quelqu'un il abandonne la prière et dit c'est pas obligatoire, tous les ulama sont d'accord pour dire que celui-là c'est kafir. Toutefois, quand c'est la question de celui qui l'abandonne par paresse, c'est-à-dire il l'a fait des fois il ne l'a fait pas, des fois il l'a fait, des fois il ne l'a fait pas, celui-là, est-ce qu'il est kafir ou non? Il y a divergence d'opinion entre les ulama. Certains ulama d'Ahlul Sunnah wal Jama'a ont dit oui, il est kafir. D'autres ulama d'Ahlul Sunnah wal Jama'a ont dit non, il n'est pas kafir. Mais les gens de bid'a comme les sururiya, eux, ils font de cette question-là une question pour essayer d'attaquer ou d'accuser les gens d'être des murji'a. Ils disent, par exemple, si un savant dit un tel il n'est pas kafir parce que il a abandonné la prière par paresse, ils disent ah lui s'il dit pas que celui qui abandonne la prière par paresse est kafir, c'est-à-dire il fait partie des murji'a. Et ça a rien à voir parce qu'il y a des ulama d'Ahlus Sunnah qui ont dit que celui qui l'abandonne par paresse, il n'est pas kafir. Personne ne les a accusés d'être des murji'a. Et les murji'a, c'est quoi? C'est les gens qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. et que ça affecte, les péchés que tu fais n'ont pas d'effet sur la foi. Donc d'accuser les savants qui ne font pas le takfir de celui qui abandonne la salat par paresse, hein, de les accuser d'être des murji'a en se basant sur ça, c'est une accusation qui est fausse. Et yani, ils font ça justement parce que souvent ces gens-là, parmi les sururiyas, ce sont des khawarij. Ils cherchent tous les moyens pour accuser les gens d'être des murji'a sans preuve. Tandis que les salafiyoun, ils n'accusent pas celui qui amène les clarifications et les détails au sujet de cette question-là et qui ne déclare pas kafir celui qui ne fait pas la prière par paresse. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il dit, As-salafiyoun la yarmouna bil-irja man fassala fi mas'alati tahkim al-qawaneen al-wada'iyya. بينما السروريون القطبيون يرمون بالإرجاء كل من فصل في مسألة تحكيم القوانين الوضعية. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce, yani, les salafiyoun, ils n'accusent pas ceux qui amènent des détails dans la question du fait de juger par les lois faites par l'homme. Hein, on n'accuse pas ceux qui amènent ces distinctions-là et ces détails-là. D'être des murji'a. Ça veut dire que les ulama, quand c'est la question de juger par les lois faites par les hommes, les ulama, ils ont amené des distinctions entre chaque catégorie. Il y a différentes catégories. Donc, les ulama, ils disent, par exemple, si quelqu'un, il a jugé par une loi faite par l'homme, et il la place au-dessus de la loi d'Allah, ça c'est Kufr Akbar. Ils ont dit ça fait sortir de l'islam parce qu'il a mis la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah. Donc ça c'est Kufr Akbar, ça fait sortir de l'islam. Ensuite, il y a une autre catégorie. C'est ceux qui jugent par des lois faites par l'homme et ils ne disent pas que c'est supérieur, mais ils disent que c'est équivalent. C'est pareil, ils disent c'est la même chose. Juger par la loi des hommes ou juger par la charia, les deux sont pareils. Équivalent. Ceux-là aussi, les ulama ont dit, ceux-là, c'est des kuffars, d'un kuffr akbar, kuffr majeur qui fait sortir de l'islam. Il y a une troisième catégorie que les ulama ont mentionnée, c'est-à-dire la personne, elle dit, ok, c'est la loi des hommes, elle n'est pas supérieure à la loi d'Allah, puis elle n'est pas non plus équivalente à la loi d'Allah, mais c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Ils rendent ça halal. De juger par la loi des hommes. Et ça aussi, les ulama ont dit que ça c'est kufr akbar. Et que ça fait sortir de l'islam parce qu'ils rendent halal ce qui est haram. D'accord? Tandis qu'il y a une autre catégorie, la quatrième, c'est celui qui mentionne les détails à ce sujet-là. C'est-à-dire que la personne qui juge par les lois faites par l'homme, mais par sa passion, parce qu'il suit sa passion, sans rendre cette chose-là halal. Et il sait que qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de juger par la loi d'Allah, et que c'est ça qui est obligatoire, et que c'est un péché de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, les ulama, wa alaykum salam wa rahmatullah, celui-là, les ulama, ils ne l'ont pas déclaré kafir. Ils n'ont pas dit qu'il est kafir. Mais les sururiyoun, eux, celui qui fait cette distinction-là, ils disent que c'est un murji. Donc les ulama, ils ont dit, ceux qui jugent par les lois faites par l'homme sans rendre ça halal et qui disent que c'est haram et qui reconnaissent que c'est un péché, ceux-là, leur kufr est un kufr qui ne les fait pas sortir de l'islam. C'est un kufr asghar, c'est un kufr duna kufr. Eux, ils accusent les ulama qui disent ça d'être des murji'a, hein? Alors que c'est la position de tous les ulama d'Ahl sunnati wal jama'a. Hein? Donc ça c'est l'exemple. Ils utilisent cet exemple-là pour accuser tous les ulama d'être des murji'a. Un autre exemple, il dit As-salafiyoun, il dit Bainama as-sururiyoun yarmouna bil-irja kullu man fassala fi mas'alat al-tahkim al-qawaneen al-wada'iyya. Après, il dit As-salafiyoun la yukaffiruna bil-kaba'ir wala yaf'aluna ولا يغلون في التكفير بينما السروريون القطبيون يكفرون ببعض الكبائر ويغلون في التكفير. Donc il dit que les salafis, ils ne font pas le takfir des gens parce qu'ils ont commis des grands péchés. Et ils n'exagèrent pas dans le takfir. Donc, nous, on ne fait pas le takfir des musulmans parce qu'ils ont commis un grand péché. Comme si tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui, par exemple, mange du porc ou fait un autre péché parmi les péchés, des grands péchés, on ne va pas dire que celui-là, il est kafir. Hein? Tandis que ces gens-là, parfois certains péchés, certains kaba'ir, ils vont dire que c'est quelque chose qui est kufr et qui fait sortir de l'islam. Comme par exemple l'homosexualité, hein, al-liwat. C'est un grand péché parmi les grands péchés, mais c'est pas kufr. À moins que la personne elle le rend halal. Eux, ils disent, celui qui fait ça, il est kafir. Il y en a certains d'entre eux, ils considèrent que c'est kufr. Hein? Comme l'a dit par exemple Mohamed Sourour, il dit ça dans un de ses livres. Hein? Donc ça c'est de l'égarement. D'accord? Le cheikh il dit ensuite, السلفيون لا يرمون بالإرجاء من اعتبر الجهل في التوحيد عذرا في عدم التكفير واشتراط إقامة الحجة بينما السروريون القطبيون يرمون بالإرجاء من اعتبر الجهل في التوحيد عذرا في عدم التكفير واشترط إقامة الحجة. Donc le cheikh il dit que les salafis ils n'accusent pas ceux qui donnent l'excuse de l'ignorance dans le tawhid comme étant une excuse et dans le fait de ne pas faire le takfir parce qu'on demande à ce que la condition soit établie, hein, d'établir la preuve contre la personne. On dit que c'est une condition pour dire que la personne est kafir. Donc celui qui donne l'excuse à celui qui a fait des erreurs dans le tawhid ou qui a de l'ignorance dans le tawhid, on ne dit pas qu'il est mourdi. Et celui qui dit qu'il faut établir la preuve, et c'est une condition pour dire que la personne est kafir, il faut établir la preuve contre lui avant de dire qu'il est kafir, ça, c'est pas, on ne dit pas que la personne qui demande ça, que c'est un mourdi. Mais eux, les sururiyoun, ils disent celui qui demande d'établir la preuve contre lui, c'est un mourdi. Et ils disent celui qui donne des excuses à la personne qui fait qui a de l'ignorance dans son tawhid, ou qu'il y a des ignorances au sujet du tawhid, ils disent que celui qui donne des excuses à cette personne, c'est un mourdi. Alors qu'il y a des ulama d'Ahl al-Sunnah, parmi les grands imams, qui donnent des excuses à celui qui fait des erreurs ou qui a des contradictions dans le tawhid. Hein? Bien entendu, avec des règles et avec des clarifications. Hein? Il existe ce principe-là, il existe. Al-udhru bil-jahl, ça existe. Hein? Même dans des questions de tawhid. Et iqamat al-hujja, c'est une condition. D'établir la preuve, c'est une condition. Et celui qui demande ça, ça n'a pas rapport avec al-irja. Puisque ceux qui demandent ça parmi les ulama ne sont pas des murji'a. Hein? Tandis que le cheikh dit, baynama as-sururiyoun, يرمون بالإرجاء من اعتبر الجهل في التوحيد عذرا في عدم وفي عدم التكفير اشتراط إقامة الحجة. Donc c'est ça l'erreur. Un autre exemple d'égarement de ces gens-là, ils accusent d'être un mourji toute personne qui excuse ou qui considère que l'ignorance est une excuse dans le tawhid, ou bien qui demande l'application de la condition d'établir la preuve contre la personne qui a commis un acte de kufr ou de shirk. Ils disent que cette personne est un mourdi. Et ça, c'est une erreur. As-salafiyoun la yukaffirun al-musir ala al-kabira. Wa la yatabirun al-israr istihlalan al-dhanb. Bainama as-sururiyoun al-qutbiyoun yukaffirun al-musir ala al-kabira. Wa yatabirun al-israr istihlalan al-dhanb. Donc ici, il dit que les salafiyoun, et ça c'est un point important, parce que vous allez entendre des gens qui disent ça maintenant, parce que ça c'est un exemple de qu'est-ce que propage Abu Ishaq al-Huwayni, hein, l'Égyptien, ça fait partie de ces exemples, et avant lui, il y a d'autres qui ont dit ça aussi, comme par exemple, ceux qui ont dit ça. Parmi eux, il y a Safar al-Hawali et Salman al-Awda, hein, et Abdurrahman Abdul Khaliq et l'autre aussi là, Abu Ishaq al-Huwayni, ils disent que celui qui persiste à faire un grand péché, en persistant à le faire, il le rend halal. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool, et tu lui dis, ah, ça c'est haram, et tu lui dis à chaque fois, puis qu'à chaque fois il le refait, à force de le faire tout le temps, ça veut dire que, eux ils disent, ça veut dire qu'il l'a rendu halal parce qu'il le fait tout le temps. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il n'y a pas de lien en fait, hein, comme ils ont posé cette question-là à des ulama, puis entre eux ils ont posé la question à Sheikh Al-Fawzan, est-ce que celui qui persiste à faire un péché alors qu'on lui a donné la nasiha plusieurs fois, est-ce qu'on dit qu'après qu'il ait persisté à le faire, il devient kafir et qu'il quitte la foi après ça et qu'il l'a rendu halal? Il a dit non. On ne dit pas que parce qu'il l'a fait plusieurs fois qu'il persiste après qu'il devient kafir parce qu'il l'a rendu. On ne dit pas qu'il l'a rendu halal à cause de ça. Hein? On ne dit pas qu'il l'a rendu halal. On dit juste que c'est quelqu'un qui commet un péché. Hein? Tant qu'il ne l'a pas rendu halal verbalement, explicitement. Ça veut dire, si pour qu'il le rende halal, il faut qu'il dise, ça c'est halal. Je crois que c'est halal. Là, dans ce cas-là, tu dis, oui, il l'a rendu halal. Mais si c'est juste parce qu'il a fait l'action, là, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire qu'il l'a rendu halal. D'accord? Donc ça, c'est important. Parce que si tu vois un musulman qui... tu vois un musulman qui boit de l'alcool, tu peux pas dire, ah, lui, parce qu'il le boit, ça veut dire qu'il croit que c'est halal. Parce que le fait qu'il fasse le péché, ça veut pas dire qu'il croit que c'est halal. Peut-être qu'il sait que c'est halal, il croit que c'est, peut-être qu'il sait que c'est haram et qu'il croit que c'est haram, mais il suit sa passion ou il a une foi faible. Hein? Donc, on peut pas dire qu'il est kafir en se basant seulement sur l'action. Tandis que les sururiyya, ils disent que celui qui persiste à faire un grand péché, ils le considèrent comme étant un kafir. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il a rendu halal ce péché-là en persistant à le faire. Il dit ensuite, « As-salafiyyun yuthnuna ala ulama al-sunnah » كالباز ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان واللحيدان والنجمي وعبد العزيز آل الشيخ وعبد المحسن العباد والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع المدخلي ومحمد أمان الجامي وعلماء الهيئة ويحسنون بهم الظن ويدافعون عنهم ويربطون الشباب بهم بينما السروريون القطبيون يطعنون فيهم تسريحا أو تلميحا ويسيئون الظن بهم ويحرصون على صرف وصد الشباب عن علماء المنهج السلفي فتارة يسبونهم ويغتابونهم وتارة يرمونهم بأنهم فقهاء حيض ونفاس. Donc il dit, يعني, je vais traduire la première partie, il dit que les salafiyoun, ils font les éloges des ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, comme Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Al-Fawzan, Al-Luhaydan, Cheikh Al-Najmi, Abdul Aziz, Al-Sheikh, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Wadi, et tous les ulama que j'ai mentionnés, plus les ulama du comité permanent de l'Arabie Saoudite, ainsi de suite, ils donnent à ces savants-là, une bonne pensée pour eux, et ils défendent ces savants-là, et ils ramènent les jeunes à ces savants-là. Hein? Tandis que les sururiyoun, eux, ils les attaquent, ils les insultent, de façon directe ou indirecte. Hein? Et ils pensent du mal d'eux, et ils font des efforts pour écarter et détourner les jeunes de ces ulama-là, et des ulama du manhaj al-salafi. Parfois ils les insultent, parfois ils parlent dans leur dos, ils mentionnent des fausses choses à leur sujet, parfois ils les accusent d'être des savants qui ne se préoccupent que des règles des femmes et des menstruations et des écoulements après l'accouchement, ou des choses de ce genre, en essayant de les dénigrer, hein, par ces moyens-là. Et il dit وتارة يرمونهم بأنهم لا يفقهون الواقع ولا يهتمون بقضايا الأمة. Donc parfois ils les accusent en disant que ils ne comprennent pas la réalité de ce qui se passe et ils ne se préoccupent pas des questions de la Ummah. وتارة يرمونهم بالتخاذل عن نصرة المستضعفين من المسلمين et parfois ils les accusent d'abandonner la défense des musulmans qui sont faibles dans le monde. وتارة يرمونهم بأنهم علماء السلطان ويفتون على حسب هواه. Des fois ils les accusent d'être des savants à la solde des dirigeants qui donne des fatwas selon les désirs du dirigeant et selon ses passions. وَتَارَةً يَرْمُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ عُمَلَاءَ لِلْأَمْنِ وَجَوَاسِيسِ يَكْتُبُونَ التَّقَارِيرَ لِلْحُكُومَةِ. Et des fois, ils les accusent d'être des agents pour le gouvernement, des agents, بَارَكَ des agents يعني, et des espions qui écrivent qui écrivent des rapports sur les gens aux dirigeants, hein. Et en passant, il y a rien de mal à un musulman de travailler pour le dirigeant dans l'islam, hein, puisque le dirigeant c'est un dirigeant musulman. Et il y a rien de mal de travailler pour le dirigeant tant que qu'est-ce que le dirigeant te demande, c'est quelque chose qui est halal et que toi tu obéis dans ça et que tu fais ça. Donc dans ce cas-là, c'est bien, mais en plus parfois même c'est obligatoire dans l'islam, puisque tu même s'il n'est pas musulman et qu'il te demande de faire quelque chose et que c'est quelque chose de bien et que tu le fais, hein, donc est-ce que tu vas dire dans ce cas-là que c'est pas permis? Il y a plein de ces groupes de hezbiyyin ici là, des gens qui se disent parmi les Ikhwan et qui critiquent les dirigeants arabes, tu les vois, ils sont ici des employés dans la fonction publique du Canada ou du Québec, ils reçoivent du gouvernement canadien un salaire parce qu'ils travaillent pour le gouvernement. Est-ce qu'ils vont redonner au gouvernement canadien son salaire qu'ils ont pris? Ils travaillent pour le dirigeant, hein? Est-ce que ça c'est haram? Donc c'est là qu'il faut faut voir la réalité de qu'est-ce que ces gens-là disent et comment ils jouent avec les sentiments et les émotions des gens. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَتَارَةً يَرْمُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَضْغُوطٌ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ الْحُكُومَةِ لِذَلِكَ لَا يَقُولُونَ الْحَقِّ. Des fois, ils les accusent en disant qu'ils ont de la pression sur eux de la part du gouvernement, donc ils peuvent pas dire la vérité. Ça c'est une grave insulte, c'est une grave accusation aussi. Ça veut dire qu'ils sont pas sincères, hein? Ça veut dire que les savants sont pas sincères quand ils disent ça. A'udhu billah. Et après il dit وَتَارَةً يَرْمُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَلْغَوْا الْجِهَادِ وَلَا يُحِبُّونَ الْمُجَاهِدِينَ. Non, ils veulent des savants qui vont faire des fatwas selon leurs intentions et leurs passions à eux. Et s'ils trouvent que les gens s'ils trouvent par exemple que les dirigeants ne font pas une fatwa dans le sens que eux veulent entendre, ils accusent ce savant-là d'avoir peur ou d'avoir de la pression. Tandis que si c'est un autre savant qui est un savant de bid'a et qui va faire une fatwa dans le sens que eux, qu'est-ce qu'ils aiment, même si c'est contraire au Coran, même si c'est contraire à la Sunna, même si c'est contraire au principe de la charia, ils vont supporter cette personne-là et ils vont l'aimer, parce que ce qu'ils veulent en réalité, c'est pas un savant qui va dire la vérité selon le Coran et la Sunna. Ils veulent un savant qui va faire des fatwas selon qu'est-ce que la masse des gens aime, selon qu'est-ce que eux veulent entendre, hein. Et eux, ils disent, ah, ils font des fatwas pour les dirigeants, parce que ça fait pas c'est pas en accord avec leur passion. Et les autres disent, hein, parce que c'est ça qu'ils veulent. Mais en même temps, il faut comprendre une chose, que le savant, quand il fait sa fatwa, il regarde pas la passion du peuple, puis il va pas regarder la passion, qu'est-ce que la masse veut entendre, puis il va pas non plus regarder qu'est-ce que le dirigeant veut entendre. Il fait sa fatwa, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. En fait, c'est comme tu dis, si ces savants-là ne disaient pas la vérité parce qu'ils ont peur des dirigeants, alors comment ça se fait que ces savants-là font des fatwas qui dénoncent des choses qui sont haram, que parfois certains dirigeants font, et ils font quand même des fatwas qui vont contre ce que ces dirigeants-là font? Alors c'est la preuve que qu'est-ce que ces gens-là prétendent. Il n'y a pas de preuve pour supporter ça. Et les ulama, ils ont expliqué la façon de faire le nasiha, ou de faire ordonner le bien et d'interdire le mal. Quand ce mal-là est fait par des dirigeants, ils ont expliqué que s'il y a un dirigeant qui fait un péché, dans ce cas-là, tu dois quand même ordonner le bien et interdire le mal, mais tu ne vas pas le faire en mentionnant le dirigeant lui-même, ou en disant par exemple, ah, un tel, le dirigeant, il fait tel ou tel péché. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas dénoncer le péché lui-même et dire que c'est haram, mais sans citer le dirigeant et sans dire que c'est le dirigeant qui fait ça aux gens. Parce que sinon, ça fait de la fitna, ça fait des problèmes, hein. Donc, tu vas mentionner le péché lui-même et tu dis que c'est haram. Naam, l'exemple de l'imam Ahmad et de d'autres également. Donc, très important, la sagesse dans la façon d'interdire le mal et de changer le mal lorsque c'est les dirigeants qui commettent ce péché-là. De pas mentionner le nom du dirigeant. C'est pas la même chose parce que les gens de Bid'a, des fois, c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent, ah, mais vous, quand vous parlez des dirigeants, vous agissez comme ça, vous faites ça comme, de cette façon-là. Mais quand vous parlez des gens de Bid'a ou des choses comme ça, vous mentionnez leur nom, puis vous dites leur nom et vous mettez en garde contre eux. Parce que, il y a une différence entre les dirigeants et une différence entre les ulama de Dalal ou les gens de Bid'a qui appellent à l'égarement. Hein? Les dirigeants, quand ils parlent, les gens, ils prennent pas leurs paroles comme étant une référence dans la religion. Personne va écouter. Quand quelqu'un a besoin de savoir une question sur la religion, est-ce qu'il va demander aux dirigeants ou va le demander aux savants? Il va demander aux savants. Il va pas demander aux dirigeants. Donc, le dirigeant, il peut dire quelque chose sur quelque chose en général et il se trompe. Hein? Et nous, on va pas suivre qu'est-ce que ce dirigeant-là dit parce qu'on sait que c'est pas un savant de l'islam. On va retourner à qui? On va retourner aux savants de la religion de l'islam. Hein? Donc, c'est ça qui est important. Hein? N'est-ce pas? Masha'Allah. Donc, ça c'est le point très important. Hein, Adam? Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que taratan yarmuna bi annahum alghaw al-jihad wa la yuhibbun al-mujahidin. Il dit parfois ils disent ils ont annulé le jihad et ils n'aiment pas les mujahidin. Hein? Parce que pour eux, les mujahidin c'est qui? C'est les gens qui font l'attentat terroriste, qui font la destruction puis la corruption sur la terre, le désordre. Et parce que les ulama réfutent ces gens-là, parce qu'ils font pas un djihad qui est en accord avec la charia, ou qu'ils font des choses contraires à l'islam, ils prétendent que c'est le djihad, ils prétendent que c'est en accord avec l'islam, et les ulama les réfutent, ils disent, ah, ils ont annulé le djihad, et ils n'aiment pas les mujahideen. Tu vois? Ça, c'est des façons comment ils attaquent les ulama. Ou taratan, ils disent, وَتَارَةً يَرْمُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ يُدَافِعُونَ عَنِ التَّوَارِيتِ وهم حكام الدول الإسلامية. Ou parfois ils les accusent en disant qu'ils défendent les tawarites. Et ils appellent qui? Par les tawarites, ils appellent les. Ils parlent de qui? Ils parlent des dirigeants des pays musulmans. D'accord? Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui utilisent ce vocabulaire-là. Et il parle avec ignorance. Donc ensuite il dit bal wasala ad-dalal bihim ila an yukaffiru ba'd ulama as-sunnah. Fallahu al-musta'an. Ils sont allés même jusqu'à parfois même déclarer certains ulama comme étant des kuffars, comme certains takfiris à Montréal et ailleurs aussi, hein, qui font le takfir des ulama et des dirigeants et de tous les musulmans qui sont pas d'accord avec eux. Il y en a un qui m'a envoyé un email, il m'a dit je suis un kafir. Il n'y a pas longtemps. Il y en a un dernièrement, il m'a envoyé un email pour me dire que je suis un kafir. Parce que selon lui, j'ai pas renié le tarout. Et pour lui, c'est quoi renier le tarout? C'est de dire que le dirigeant, un tel ou un tel, est kafir. Hein? Et donc, ça, c'est des exemples comment ils comprennent la religion. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit, وَالسَّلَفِيُونَ يَلْتَزِمُونَ فَقَطْ والسلفيون يلتزمون فقط فتاوى أولئك الأكابر وغيرهم من علماء السنة خاصة في مسائل المنهجية وقضايا الأمة كالجهاد وغيرهم ولا يرمونهم بالجهل بفقه الواقع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما السروريون القطبيون يتلمسون من الالتزام بفتاوى العلماء بطريقة ماكرة وهي زعمهم أنهم لا يقلدون ويأخذون بالدليل، كما أنهم لا يلتفتون غالبا إلى فتاوى علماء السنة في قضايا الأمة كالجهاد وغيره، ويأخذون من غيرهم ممن خالفهم عقديا ومنهجيا ولربما طعن فيهم. فكيف يمكن الجمع بين الأخذ بفتاوى ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان وبين الأخذ بفتاوى الإخوان القرضاوي والمفسد أسامة بن لادن والضال محمد المقدسي والصبيان الذين يظهرون فجأة في الإنترنت وغيرهم؟ لا يجمع بين المتناقضات إلا الجاهل أو صاحب الهوى. Donc il dit ici que les salafis, donc ils prennent les fatwas dans des questions qui sont importantes et grandes seulement des ulama, des grands ulama, comme par exemple yani les questions de manhaj, les questions de jihad, les grandes questions qui ont rapport avec la umma, on retourne à nos grands ulama et les ulama de la sunna dans ces questions-là, comme les questions de, comme on a dit, de jihad et autres. Tandis que les gens de Sururiya, eux, ils les accusent d'ignorer la réalité de ce qui se passe dans le monde. Et souvent, des fois, qu'est-ce qu'ils pensent comme étant la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le monde pour eux, c'est de connaître les complots de la franc-maçonnerie ou des choses de ce genre. Et ils pensent que c'est ça la compréhension de la réalité de ce qui se passe dans le monde. Puis ils se basent sur qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que les théories soi-disant ou les idées de complot que les francs-maçons veulent faire contre le monde. Puis ils se basent là-dessus pour réagir de façon n'importe comment parfois, pour essayer de dire il faut les arrêter, il faut pas les laisser arriver à leur plan ou des trucs de ce genre, alors que ils savent même pas si ces plans-là, si c'est des choses vraies ou non. Et deuxièmement, ils n'utilisent pas des méthodes en accord avec la charia pour opposer ces soi-disant complots-là. Donc ça, c'est de l'ignorance, yani, de leur part. Et en plus, le cheikh, il dit que les sururiyoun, eux, ils s'écartent justement des fatwas des ulama et ils utilisent des ruses pour ça. Parmi les ruses, ils disent « Ah, nous, on ne suit pas aveuglément les savants. » Ou bien ils disent « Nous, on prend la preuve. » Donc ça, c'est un exemple comment ils utilisent leur ruse pour détourner les gens de la voie des salafs et des ulama. Ou bien ils vont dire que eux, ils ne prennent pas les savants la parole des savants de la sunna dans les questions de jihad. Et tu vois que, par exemple, dans les questions de jihad, ils ne prennent pas. Mais des autres questions, comme par exemple l'oudou, le salat, le hajj, la zakat, ou les autres questions de fiqh, ils prennent des ulama de Ahl sunna. Mais quand c'est le temps de parler de jihad, tout d'un coup, ils disent « Non, non, je ne leur fais pas confiance, je ne veux pas prendre d'eux. » Ça, c'est des exemples d'égarement. Puis il dit également que ils vont prendre des fatwas sur ces questions-là, sur les questions comme le djihad ou autres. Ils vont prendre des gens qu'ils considèrent comme étant des ulama, mais qui contredisent les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans la aqida et dans le manhaj. Et donc on voit que c'est une contradiction dans ce cas-là. Comment ils peuvent prétendre prendre les fatwas de Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Al-Fawzan, puis en même temps se référer au Ikhwani Yusuf Al-Qardawi, ou bien les fatwas de celui qui fait le désordre, Osama bin Laden, et des fatwas de l'égaré Mohamed Al-Maqdisi, le takfiri, qui fait le takfir de tout ce qui bouge. Ou bien de se baser sur les fatwas des jeunes adolescents qui viennent d'atteindre la puberté, qui apparaissent sur Internet et qui commencent à faire le takfir de toute la terre entière, Hein? Donc ça, c'est des contradictions hein, de la part de ces gens-là. Et on peut pas arriver à faire des contradictions pareilles, excepté si on est un ignorant ou bien si on est quelqu'un qui suit sa passion. Un des deux. Hein? Ben oui, c'est ça. Ça a toujours été. Et c'est toujours ça. Et c'est la voie, c'est leur voie, c'est leur manhaj. Hein? Et, subhanallah, en tout cas, en temps voulu. Mais c'est parce que, il y a, comme par exemple, il y a des ulama dernièrement, ils ont parlé de Qardawi. Ils ont dit que c'est un khatib de la fitna. Hein? Et on sait Qardawi, son manhaj, sa aqidah, ça n'a rien à voir avec Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça n'a rien à voir avec la voie des salaf al-salih. Mais dans ces questions-là, parce qu'ils trouvent en cet homme-là une voie qui défend leur passion, ils retournent vers lui dans ces questions-là. Et ils le glorifient. Dernièrement, les ulama ont dit que c'est quelqu'un qui parle, qui fait la khutbah ou qui est un khatib de fitna. Il encourage la fitna dans ses khutbah et dans ses discours. Et lui-même, Qardawi, il a commenté là-dessus, il a dit, je suis content d'être un da'ya de fitna. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire un da'ya de fitna encore plus. Hein? A'udhu billah. Donc tu vois comment cet homme-là, il est, et en plus, il n'est pas jeune, hein, il est vieux. Et on dirait que plus il vieillit, 84, 85, Non, il est vieux. Et lui, plus il vieillit, plus on dirait qu'il commence à perdre la tête, encore plus, et à dire des choses de plus en plus graves. Hein? Allah musta'an. Comme le frère, il dit, c'est lui qui a fait l'égarement en Algérie, c'est un des responsables. Al-Ghazali, Qardawi et d'autres. Toutes les fitanes qui se sont produites, c'est à cause de ces gens-là. Avec ces autres hezbiyins-là. Et ce sont des gens qui suivent la voie des Ikhwan et qui sont sur le manhaj des Khawarij. Mais les gens ordinaires, les simples musulmans ordinaires, ils ne savent pas ça. Et ils ne comprennent pas ça. Ils ne savent pas qu'il y a des sectes. Ils ne savent pas qu'il y a des bid'ah, qu'il y a des égarements. Ils ne comprennent pas ça, malheureusement. Oui, c'est ça. Donc il pense que qu'est-ce qu'il fait, c'est la vérité, puis qu'il encourage la vérité. Donc il dit, si c'est ça, un da'yat fitna, alors dans ce cas-là, je suis fier de ça. Subhanallah. Donc, le sheikh, il dit, « As-salafiyoun yufnouna ala l'allama Rabi' al-Madkhali, wa al-doktor Muhammad Aman al-Jami, wa Nasir al-Sunnah, wa Qami'u al-Bid'a, في اليمن مقبل الوادعي وغيرهم من العلماء بينما السروريون القطبيون يطعنون فيهم ويغتابونهم ويلمزون السلفيين بالمداخلة والجامية السلفيون يثنون donc c'est ça. Il dit ici que les salafiyoun ils font les éloges du Cheikh Rabi' al-Madkhali, Cheikh Rabi' al-Madkhali, et du Cheikh également Muhammad Aman al-Jami, et le Cheikh également, le Nasir, le défenseur de la Sunna, et celui qui a écrasé la bid'a au Yémen, Cheikh Muqbil al-Wadi'i, et d'autres parmi ces ulama-là, tandis que les Sururiyoun, ils les détestent, et ils les attaquent, et ils parlent dans leur dos, et ils les... Il leur donne des sobriquets et des noms pour se moquer d'eux. Hein? Ils appellent les salafiyoun, les gens qui suivent la voie des salafs, ils les appellent comment? Des madakhila. Et ils les appellent comment? Des jamiyya. Hein? Jamiyya à cause de Muhammad Aman al-Jami. Et ça, c'est comme les soufis et les gens de bid'a qui accusent les salafis d'être des wahhabiyas. Hein, la même chose. Madakhila, ils disent c'est ça. Ils disent, lui c'est un madakhila. Hein? Mais tu lui dis, c'est quoi madakhila? Il ne sait pas. Parce que... Hein? Ici à Montréal, ils appellent madakhila. Oui, c'est comme ça. Ils disent ici à Montréal, lui il fait partie des madakhila. Hein? Oui, même l'autre là... Le Marocain qui appelle au dialogue de rapprochement des religions là, Shuraibi, ben lui, il dit madakhila lui aussi, hein, c'est vrai? Donc c'est pour dire, hein, tous ces gens-là se retrouvent. C'est incroyable. Et donc, Allah nous stane. Non. Lui, d'après moi, lui, son manhaj, c'est un manhaj qu'il suit, c'est un manhaj ikhwani. Ouais. Parce que les soufis, Hassan al-Banna, c'est un soufi. Et donc, les ikhwan, ils acceptent tout le monde, les soufis et tout. Et ils appellent au dialogue des religions, les ikhwan. Ça fait partie de leur manhaj. Même si lui, il dit, non, je suis pas ikhwan, je suis pas dans le groupe des ikhwan, j'ai pas une carte de membre, j'ai pas une bay'a, j'ai pas été avec eux. Du moment que tout ce qu'il pratique comme pratique et qu'est-ce qu'il fait comme principe qu'il suit dans sa façon de pratiquer l'islam, ça ressemble au manhaj des ikhwan. Donc tu peux l'associer au Ikhwan même s'il n'est pas avec eux directement. Il est invité un peu partout parce que c'est un discours assez général, vague, flou, hein, qui n'est pas spécifique et clair. Donc c'est pour ça qu'il l'aime. Subhanallah. Donc je lui ai écrit des emails à Shuraibi pour lui donner une nasiha. Et il m'a répondu une fois parce que on parlait d'un sujet du fait de faire des doigts pour les dirigeants. Et lui, il n'était pas d'accord avec ça. Et il envoie des emails qui montrent qu'il critique les dirigeants. Hein, il parle de l'économie des pays arabes, ainsi de suite. Il parle des problèmes des pays musulmans. Puis, dans l'email, il parle contre les rois du Golfe, les pays du Golfe et tout. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis sur les rois des pays du Golfe? Est-ce que tu le dis aussi du roi du Maroc? Et là, il m'a répondu, il m'a dit, pour qui tu travailles, toi? Après, il m'a dit, t'es un dangereux. Ouais. Comme ça. J'ai dit, si toi t'as peur de faire des doigts pour le roi du Maroc, si toi tu fais pas des doigts pour le roi du Maroc, j'ai dit, moi j'en fais des doigts pour lui. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide et qu'il lui montre la sunna et qu'il soit fort là-dessus, hein, et qu'il fasse que il amène le bien dans son pays et ainsi de suite, et qu'il aide donc pour la cause de l'islam et des musulmans. Donc ça c'est la voie des salafs, de faire des doigts pour les dirigeants, hein. Et donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça ou de d'accuser les gens qui font des doigts pour les dirigeants d'être des agents ou des gens qui travaillent pour je sais pas qui, quoi. Est-ce qu'il va m'accuser que je travaille pour le roi du Maroc, hein? Et puis je suis même pas marocain. Allah musta'an. Ça c'est parce que des fois je me demande, je parle pas d'un individu en particulier, je parle en général. Je me demande si ces gens-là, c'est pas des francs-maçons. Parce que c'est les francs-maçons qui ont propagé l'idée que l'important, c'est pas la religion. L'important, c'est le comportement. C'est les actions que tu fais. Ils disent souvent, peu importe ta religion, l'important, c'est que tu fais du bien. Même si t'es pas croyant, ou même si t'es juif, ou chrétien, musulman, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu fais du bien. Donc, comme le frère, il vient de dire, là, ces gens-là, ils regardent juste les mu'amalat. Ils disent toujours, ad-din mu'amala. Et en plus, c'est pas un hadith. Ad-din mu'amala, c'est pas un hadith. Ou bien si c'est un hadith qu'il le ramène, hein, peut-être un hadith mawdou ou quoi, c'est fabriqué, mais moi j'ai jamais lu ça dans un livre de hadith. S'il existe, j'aimerais bien le voir. Et ils le prennent comme si c'était un principe, ils disent ad-din mu'amala en voulant dire si t'as un bon comportement, ça y est. Al-adab. Hein? Donc. Moi j'ai dit Adam. Donc c'est des exemples comme ça. Et donc c'est pour ça que je me dis, peut-être ces gens-là c'est des francs-maçons. Hein? Et ça c'est sûr qu'il y en a plein. Non, il y en a plein qui sont actifs dans ces milieux-là. C'est certain qu'il y en a parmi eux qui rentrent là-dedans. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. C'est ça qui n'est pas normal quand des gens comme ça ils appellent à ces choses-là au nom de l'islam. Si c'était des athées ou des non-musulmans, des juifs, des chrétiens qui appellent à ces choses-là, on comprend. Mais quand c'est des gens qui se disent musulmans, mais non seulement des musulmans, mais en plus de ça, ce sont des gens qui prétendent faire la da'wah à l'islam et qui font ces choses-là, donc ça c'est le monde à l'envers. C'est comme on dit, quand les chats dorment, les souris dansent. Ben ici ils ont vu, il n'y a pas d'ulama, donc il n'y a pas personne pour les arrêter. Et en plus, ils parlent des fois en français et en anglais. Ils savent que les ulama, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. S'ils vont dire ces paroles en arabe, peut-être que là, ils vont avoir plus de réserve, parce qu'ils vont dire, bon, les ulama peuvent entendre ça, ils vont nous réfuter. Mais même en arabe, ils disent des bêtises comme ça aussi. Puis, alhamdoulilah, les ulama, ils clarifient et ils répondent. Et c'est pas possible que, par exemple, les gens, ils propagent ces idées-là, puis qu'il n'y a pas des musulmans qui se lèvent, puis qui clarifient pour les autres la réalité de ces idéologies-là et les contradictions que ces idéologies-là impliquent par rapport à l'islam. On ne peut pas juste dire, non, il faut laisser ces gens-là, il ne faut pas parler de ça. C'est obligatoire de clarifier ces questions-là lorsque ces choses-là commencent à se propager, parce que sinon, les musulmans commencent à tomber dans l'égarement, et c'est dangereux pour eux, et parce qu'il y a des choses là-dedans qui ont rapport avec le kufr, qui ont rapport avec le shirk, qui ont rapport avec les bid'as et l'égarement. Si toi tu dis non, il ne faut pas parler de ça, ça va faire de la fitna, il ne faut pas parler de ça, ça va faire des problèmes, de ne pas en parler, ça risque d'amener encore plus de fitna que d'en parler. Hein? Donc c'est ça le problème, Allah musta'an. Et ensuite, où est-ce qu'on était rendu maintenant? Ah oui, donc à propos des ulama comme Cheikh Rabi al-Madkhali et Cheikh Mohamed Aman al-Jami, tu leur demandes à ces gens-là, moi c'est ça que je leur avais dit. Je leur dis, ok, regardez par exemple les ulama de l'islam qui ont tous fait des éloges au sujet du Cheikh Rabi. Par exemple, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, et les autres grands ulama de notre époque, d'avant et d'après, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Albani, il a échangé beaucoup de lettres avec Cheikh Rabi', et tous les ulama, Cheikh Saleh Al-Suhaymi, Cheikh Ubaid Al-Jabiri, tous ces grands ulama qui sont vivants aujourd'hui et d'autres qui sont décédés, ils ont tous dit du bien de Cheikh Rabi' et de Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Est-ce que tu vas dire qu'eux sont des Jamiya ou des Madakhila? Hein? Est-ce que tu vas dire Cheikh Ibn Baz est un Madakhila? Tu vas dire Cheikh Ibn Uthaymin fait partie des Madakhila? Tu vas dire Cheikh tous ces ulama-là qui sont d'accord avec lui et qui l'ont supporté, qui l'ont défendu, qui sont d'accord avec ce qu'il dit? Et son manhaj, c'est le manhaj, qui disent que son manhaj, c'est le manhaj des salafs, et que sa aqida, c'est la aqida des salafs. Tu vas dire que ce sont des madakhila, eux aussi? Donc, dans ce cas-là, c'est la preuve que, qu'est-ce que vous faites? C'est la même chose que les soufiyins qui accusent les salafiyouns d'être des wahhabiyas. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit quoi contraire à l'islam? Il a dit quoi contraire au Coran et à la Sunna? Hein? Parce qu'il a contredit leur croyance de bid'a et leur shirk et leur kufr, il l'accuse d'avoir, il utilise son nom pour faire, comme c'est pour dire que c'est une nouvelle secte, comme par exemple Al-Wahhabiyya. Donc ils veulent faire la même chose avec Cheikh Rabi, a dit Madakhila, comme si c'était une nouvelle secte qui a ramené quelque chose de nouveau dans l'islam. Hein? Ou des choses comme ça, il dit, des choses comme ça. Donc ça c'est la preuve, le fait que les ulama ont fait les éloges de ces ulama-là et qu'ils ont parlé en bien d'eux, que ce sont des menteurs. C'est-à-dire, ceux qui les accusent et qui parlent contre eux et qui disent que ce sont des madakhila et que ceux qui suivent ces ulama-là sont des madakhila ou des jamiya, ce sont des menteurs. As-salafiyoun yusnouna ala muhaddith hadha al-asr al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani wa yudafi'una anhu ويبرئونه من الإرجاء بينما السروريون القطبيون يطعنون فيه ويقولون إنه مرجع. Donc un exemple aussi, c'est que les salafiyoun, ils font les éloges du Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani et ils parlent de lui en bien, tandis que les sururiyoun, eux, ils l'accusent d'être un mourji. Ils l'accusent d'être un mourji. Ils disent non. Ils disent Cheikh Al-Albani, il fait partie de la secte des mourjiyas. Donc, ils l'accusent d'être un mubtadi', hein, c'est grave, hein. Alors que, alhamdulillah, Cheikh Al-Albani, il a réfuté les Mourdia dans plusieurs de ses livres, et il a expliqué que les actions font partie de la foi, hein, les actions font partie de la foi, et il a réfuté les Mourdia qui excluent les actions de la foi, et il a affirmé que la foi, elle augmente et qu'elle diminue, et que les péchés qu'on fait ont un effet sur notre foi, ainsi de suite. Donc c'est la preuve qu'il n'a rien à voir avec les Mourdia, et que ceux qui l'accusent de ça, c'est des gens de dalal. Donc si vous voyez quelqu'un qui se prétend salafi, puis qu'ensuite il critique Cheikh Al-Albani, il dit que c'est un Mourdi, vous savez que c'est un menteur, et que c'est un sururi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comme les gens par exemple de la mosquée Sunna, c'est ça ce qu'ils disaient, et ils ont propagé le livre de Safar al-Hawali, quand il avait fait sa thèse de doctorat qui s'appelait Zahiratul Irja, ils l'ont vendu à la mosquée Sunna, ce livre-là, et ils l'ont propagé, le livre. Et dans ce livre-là, Safar al-Hawali, il accuse Cheikh Al-Albani d'être un mourdi. Et quand Cheikh Al-Albani a lu ce livre-là, il a fait des commentaires, et il a parlé de Safar al-Hawali, de Salman al-Ouda, il a mentionné que ces gens-là sont qu'est-ce qu'on appelle Kharijiyatun Asriya. Il a dit, si ce que j'avais dit au sujet des tablir, lorsqu'ils sont apparus, j'ai dit à leur sujet que c'est une soufiyatun asriya, c'est une forme contemporaine de soufisme, eh bien je dis au sujet de ceux-là qu'ils sont une forme contemporaine de khawarij. Ça c'est les paroles de Cheikh Al-Albani à ce sujet. Et puis j'ai dans ma poche de manteau, je ne l'ai pas amené avec moi, je ne l'ai pas sur moi maintenant, mais il est là-bas, un livre, un discours de Cheikh Al-Albani qu'il avait fait au sujet de... Yani, des dirigeants. Il dit que, il répond, le titre, je pense, c'est, le frère est parti le chercher. Sahih. Et jusqu'à maintenant, il est jamais revenu. Non, jamais. Sur qu'est-ce qu'il avait dit. Donc, et depuis ce temps-là, il a perdu tout son respect, tout ce qu'il avait au début. Tout ce que les gens aimaient au début quand il faisait ses cours sur Al-Aqida, Al-Wasitiya, Tahawiya, il faisait des cours. Il était rendu jusqu'à 500 cassettes dans ses cours. Il a pris une grande popularité, les gens l'aimaient beaucoup. Puis après, regarde maintenant, après. Ouais, il avait écrit un livre contre les Asha'ira. Et aujourd'hui, il le publie plus, ce livre-là. Hein, il avait fait contre les Asha'ira. C'est là, la parole de Cheikh Al-Albani. Bon, le livre de Cheikh Al-Albani ici, ça s'appelle I'lam al-Sufaha al-Ahlam bi anna muqara'at al-hukam laysat sabil al-ruju' ila al-Islam. C'est-à-dire faire comprendre aux faibles d'esprit, aux jeunes faibles d'esprit qui rêvent, hein, Sufaha al-Ahlam, que de s'opposer aux dirigeants, ce n'est pas la voie pour revenir à l'islam. Et c'est une conférence qu'il a donnée, dans laquelle il réfute toutes les idées des takfiris et des khawar et des djihadis aujourd'hui, dans cette conférence-là. Donc peut-être, Inch'Allah, on aura l'occasion de la lire ensemble, puis de voir comment Cheikh Al-Albani il a réfuté ces gens-là. Donc, parce que beaucoup de gens, ils prennent, ils comprennent pas, yani, le manhaj de la sunna et de la voie des salafs. Et ils essaient de trouver dans les paroles des ulama parfois des petites paroles, des petites choses qui vont défendre leurs idées, mais ils prennent pas leur manhaj au complet. Tu vois? Donc c'est ça, c'est important de retourner au principe de nos ulama pour bien comprendre. Ensuite de ça, donc, les sururiyoun, donc eux ils l'attaquent. Ils prétendent que c'est un mourji. قتل الكفار donc السلفيون يحرمون العمليات الانتحارية والاغتيالات التي يقوم بها أهل الضلال وقتل الكفار المعاهدون والمستأمنين المعاهدين والمستأمنين والتهديد بخطف السياح ثم تصفيتهم بينما السروريون القطبيون يجوزونها ويرونها من الجهاد أو من الوسائل المشروعة للنيل من الكفار. Donc c'est ça. Il dit que les salafiyoun, ils interdisent les attentats suicides, les kamikazes et les attentats terroristes que les gens de Dalal font aujourd'hui. Et ils interdisent également de tuer les kuffars qui ont des ententes de paix avec les musulmans et qui sont rentrés dans les pays musulmans avec sécurité. Et ils sont également contre ceux qui menacent les touristes dans les pays musulmans de leur faire des enlèvements ou bien de les enlever, de leur demander des rançons pour eux, comme ils font au Mali puis comme ils font dans d'autres pays maintenant. déjà on n'a pas le droit de prendre un homme libre en esclavage, hein, excepté dans le djihad charaï, hein. Mais c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? C'est d'appliquer des principes ou d'essayer d'appliquer des règles du djihad en dehors du djihad ou sans la permission du dirigeant ou sans avoir un dirigeant à leur tête. Donc quand ils vont faire ça de cette façon-là, hein, c'est ça. Donc il y en a parmi ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent dans les livres de fiqh et les mawsu'at qu'on appelle, les livres de fiqh qui rentrent dans les détails des divergences entre les ulama, qui ne mentionnent pas de dalil, des fois c'est juste divergence. Ils prennent ils regardent dans ces gros livres-là, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent même pas l'arabe, ils lisent dans ces livres-là, et puis ils disent, oh, un tel, il a dit ça, ok, c'est ça la position. Et quand il y en a un de ces jeunes-là, il m'a dit, tu sais que telle et telle position, par exemple, c'est ça qui est, tel cheikh, il a dit ça dans son livre. J'ai dit, d'accord, il a cité cette parole. Est-ce que c'est ça le haqq? Est-ce que c'est ça qui est supporté par le dalil? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ben, c'est ça qui est important à savoir, si c'est en accord avec le dalil. C'est pas juste de savoir si le cheikh, un tel, il l'a dit. Hein? Ensuite, donc c'est ça. Tandis que eux, les sururiyoun, eux, ils considèrent que toutes ces choses-là sont permises et qu'ils pensent que ça fait partie du djihad et que c'est des moyens pour atteindre les ennemis parmi les koufars, soi-disant. Ensuite, il dit, السلفيون يقولون بأن منهج الموازنات وهو يقولون بأن منهج الموازنات بدعة منكرة وهو وجوب ذكر حسنات المخالف عند نقده أو الرد عليه الهدف منه الدفاع عن المبتدعة. Donc ici il dit que les salafis, ils considèrent que le manhaj qu'on appelle des muwazanat, c'est une bid'a, une mauvaise bid'a. C'est quoi al-muwazanat? Al-muwazanat, c'est que quand tu parles d'un mubtadi' et que tu veux le critiquer ou le réfuter, tu vas pas juste mentionner ses erreurs ou le mal qu'il fait, tu vas mentionner le bien et le mal en même temps. Hein? Donc, ça c'est une bid'a et tous les ulama ont réfuté ça. La raison pourquoi ils ont inventé ce manhaj, c'est pour défendre les gens de bid'a, pour défendre les mubtadi'a. Ils disent, quand tu critiques les gens de bid'a et tu les réfutes, il ne faut pas que tu mentionnes seulement leurs erreurs, il faut que tu mentionnes le bien aussi. Hein? Et ça, c'est contraire à la vérité. Parce que quand tu veux réfuter quelqu'un et réfuter son erreur, tu mentionnes que son erreur et que le mal, pour mettre les gens en garde et pour avertir contre cette erreur et contre cette personne. Et non pas juste de mentionner le bien seulement, ou bien de mentionner le bien et le mal. Parce que si tu fais ça, c'est comme si tu incites les gens à suivre le mal de ces gens-là. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des gens d'égarement dans le Coran, il ne mentionne pas le bien qu'ils font. Et il faut faire donc la distinction entre quand les savants ils écrivent par exemple des biographies de certaines personnes ou de certains individus qui ont parfois des égarements, et ils écrivent dans ces biographies-là des choses de bien et des choses de mal. Parce que le but c'est de faire une biographie, d'expliquer aux gens l'histoire de cette personne. Tandis que quand ils écrivent dans le but de réfuter et de mettre en garde, là ils ne mentionnent que les erreurs et les égarements et le mal pour être capable de réfuter ce mal-là. C'est pas, sinon tu vas encourager les gens à le lire, non. Non, c'est sûr que Pharaon ou n'importe quel autre comme Abu Jahl ou Abu Lahab, hein, peut-être qu'ils avaient des bonnes qualités. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran? Non. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, probablement qu'il avait fait des choses, mais il était mouchrik. Donc, il y a plein de gens comme ça. Même, je suis sûr, même parmi les kuffars, il y en a qui sont mentionnés dans le Coran, il y en a que Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué, il y en a qui sont peut-être des gens qui avaient des bonnes qualités dans certaines choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il parle de ces kuffars dans le Coran? C'est dans le but de faire comprendre aux musulmans le danger du kufr et le danger du shirk et les conclusions mauvaises, hein, du kufr et du shirk. Donc s'il commence à mentionner des choses de bien que ces gens-là ont fait, ben là ça crée une contradiction, ça crée un problème, confusion. Les gens commencent à se mélanger par la suite. Donc quand on parle d'un, hein, c'est pour ça il y a beaucoup de musulmans des fois même qui ont vécu dans des pays musulmans, par exemple ils ont jamais connu des kuffars, jamais vu des juifs ou des chrétiens. Quand ils vont dans les pays des juifs et des chrétiens par la suite et qu'ils voient des chrétiens et des juifs qui ont un bon comportement ou qui agissent bien, ils disent ah comment ça se fait, ils sont gentils, ils sont ci, ils sont ça, ils font du bien. Nous on pensait que c'était comme des démons, hein. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que quelqu'un est kafir ou mouchrik, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de bien du tout. Mais l'important qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, c'est que même s'ils font du bien, ce bien-là, il n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'est pas basé sur le tawhid, il n'est pas basé sur l'iman. Et des fois, des gens qui n'ont pas bien compris le tawhid, ils ont des choubouhades comme ça, ils disent, mais comment Allah il va les mettre en enfer, ces gens-là? Ils font du bien. Ils agissent avec les gens avec gentillesse, ils nous traitent bien, ils nous donnent de l'aide, ils nous facilitent la vie dans leur pays, ainsi de suite. Comment ils vont, hein? Parce que c'est des gens, ils comprennent pas l'aqidah, comprennent pas le tawhid, comprennent pas l'iman, qu'est-ce que ça signifie, la réalité de ça, hein? Et la gravité du kufr et du shirk, et que le fait de faire des bonnes œuvres tout seul, sans avoir la foi correcte, ça ne sert à rien. Hein? Donc c'est ça le problème de ces gens-là. Donc ça c'est des exemples. Ensuite où est-ce qu'on était rendu? Donc c'est ça. Eux ils veulent défendre les gens de bid'ah. Tandis que les sururiyun, ils disent بينما السروريون يقولون بمنهج الموازنات ويرون أن من ظلم أن ويرون أن من الظلم عدم ذكر الحسنات عند النقد او الرد. Donc eux ils pensent que c'est une injustice. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Eux ils pensent que si tu mentionnes pas les bonnes qualités ou les bonnes œuvres des gens de bid'ah quand tu les réfutes, que c'est de l'injustice. Ils disent ça c'est de l'injustice, faut que tu mentionnes les bonnes actions de ces gens-là, alors que ça c'est pas vrai, puisque les ulama ils ont jamais mentionné les bonnes actions des gens de bid'ah lorsqu'ils les réfutent. Ils n'ont mentionné que leurs égarements. السلفيون يحذرون من الفرق المحدثة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغيرها، ويعتقدون أن هذه الفرق من الاثني وسبعين فرقة، بينما السروريون القطبيون يثنون على تلك الفرق وغيرها، بل يدافعون عنها ويرون أنها تدخل ضمن أهل السنة والجماعة، فاختلاف هذه الفرق عندهم اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. Donc il mentionne ensuite que les salafiyoun, ils mettent en garde contre les nouvelles sectes qui sont apparues dernièrement, comme la secte des frères musulmans, la secte de Tablir, et la secte du groupe qui s'appelle Hizb al-Tahrir, et d'autres groupes qui sont apparus dans le siècle dernier. Donc on croit que ce sont des sectes qui font partie des 72 sectes qui sont menacées de périr en enfer. Comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'une seule d'entre elles sera au paradis et que les autres seront en enfer. Tandis que les Sururiyoun, ils font les éloges de ces sectes, et d'autres sectes également, ils les défendent, et ils considèrent qu'elles entrent parmi les groupes qui font partie. Ils considèrent que ces sectes-là entrent dans le groupe de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, et que toutes ces sectes-là sont des divergences permises. Ils considèrent que ce n'est pas des divergences de contradiction, mais que ce sont des divergences de différentes sortes de façons de suivre l'islam ou de comprendre l'islam qui sont acceptables. Donc ils acceptent ces groupes-là. Donc ça c'est un exemple des Sururiya, et ça tu le vois dans, par exemple, l'exemple de qu'est-ce qui se passe à la mosquée Sunna par exemple, puisque ces gens-là, ils acceptent les livres des gens de Bid'ah. Les livres des Ikhwan, tu les trouves là-bas. Les livres de Sayyid Qutb, tu les trouves là-bas. Les livres de Muhammad Qutb, tu les trouves là-bas. Les livres de Muhammad Al-Ghazali, tu les trouves là-bas. Les livres et les vidéos de Amr Khalid, tu les trouves là-bas. Les livres de Tariq Suwaydan, tu les trouves là-bas. Tous les gens qui sont connus comme étant des gens qui sont pas salafis, qui sont des gens qui appellent à la bid'ah et à des égarements, tu trouves leurs livres là-bas et c'est libre. Hein? Les gens peuvent les lire, consulter, lire, accéder. Il n'y a pas de problème pour eux, c'est correct. Et juste pour donner un exemple aussi de ça, une fois je me rappelle, quand j'avais écrit mon livre L'islam ou l'intégrisme au tout début, j'avais demandé à un de ces gars-là, c'est pas un gars de la mosquée Sunna, mais il va là-bas, mais c'était relié à une activité à l'université. J'avais demandé si on pouvait pas s'organiser pour ramasser de l'argent pour faire publier le livre. Et il m'a dit, ok, ramène-moi le livre, je veux le lire. J'ai dit, ok, je vais donner le livre. Il a lu le livre. Quand je lui ai demandé de me donner son opinion, il m'a dit, non, on peut pas t'aider. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que dedans, tu mentionnes des noms de Cheikh Bin Baz. Et les gens aiment pas, ils l'aiment pas, et il est pas connu. C'est des gens qui sont pas connus. Donc on veut pas que tu mentionnes ces noms-là. J'ai dit Subhanallah. J'ai dit premièrement, si les gens ils les connaissent pas, comment ils vont faire pour les connaître si on mentionne pas leurs noms? Et en plus, si les gens les aiment pas, pourquoi ils les aiment pas? Ce sont les ulama de la Sunna. Donc c'est des paroles graves, hein. Donc ça c'est des exemples. Et aussi, il y en a plein d'autres exemples comme ça, de ce genre d'attitude-là de la part de ces gens-là. Ils acceptent et ils défendent les gens de Bid'ah et les groupes de Bid'ah de cette façon. Ensuite, donc il dit « As-salafiyoun yuhadhiruna min dalalat qadat tilkum al-firaq wa yanhawna an qira'ati kutubihim li'annaha fiha al-ghath wa-s-samin » بينما السروريون والقطبيون يثنون عليهم ويدافعون عنهم وينصحون الناس بقراءة كتبهم وسماع أشرطتهم. Donc les salafis ils mettent en garde contre les égarements des chefs de ces groupes et de ces sectes, et ils interdisent de lire leurs livres parce qu'il y a dedans il y a le bon et il y a le mauvais, donc il faut s'en écarter. Tandis que les gens de Sururiya, eux, ils font les éloges de ces livres-là et ils défendent les auteurs de ces livres et ils encouragent les gens à lire ces livres et à écouter ces cassettes-là. Je me rappelle même à une époque, justement par rapport à ça, qu'il y a des frères qui étaient à Sunna au tout début. Parce que moi j'étais là-bas depuis j'étais au début depuis 1993, wa alaykoum salam wa rahmatullah, depuis 1993, lorsque cette mosquée-là a été fondée, moi j'étais là-bas. Donc j'ai connu toute l'histoire de cette mosquée, du début jusqu'à maintenant. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autres mosquées qui s'appelaient Sunna, excepté cette mosquée-là. Et même les frères qui sont maintenant aujourd'hui salafis, eh ben, alhamdulillah, ils étaient là-bas eux aussi. Et quand ils ont su par la suite, parce qu'il y a des chouyours qui ont parlé, il y a des chouyours qui ont clarifié le manhaj des Sururiya, là on a su faire la différence entre eux et la voie des salafs, et on s'est séparé de ces gens-là. Hein? Mais il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Il y en a beaucoup qui ne savent pas l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé à la mosquée Sunna et la réalité de la, divergence qui est arrivée entre le manhaj des salafis et le manhaj de ces gens-là. Donc beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé avant, hein, mais c'est très ancien cette fitna, hein. Donc c'est pour ça. Et yani, parmi les qu'est-ce qu'on disait? C'est ça. Donc c'est ça. Les sourouriyas et défendent. Donc parmi des exemples comme ça, c'est comme je pense que je l'ai déjà mentionné cet exemple quand j'avais parlé de Mohamed Qutb et tout, puis tout ça. En fait, j'ai parlé déjà de ça. Bon, as-salafiyoun yuhadhdhirun min kutubi wa fikr al-dhal al-munharif Sayyid Qutb. وبينما السروريون والقطبيون يثنون عليه ويجعلونه من الدعاة المصلحين ويقرنون اسمه مع أسماء المجددين كشيخ الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما ويغضبون عند التحذير من ضلالاته ولا يفعلون عشر ذلك عندما يطعن في علماء السنة. Donc il mentionne que les salafiyoun, ils mettent en garde contre les livres de cet égaré qu'on appelle Sayyid Qutb, tandis que les sourouriyoun, eux, ils font les éloges de Sayyid Qutb, ils font de lui un des prêcheurs et des réformateurs, et il associe son nom au nom des réformateurs de la religion comme le Cheikh Ibn Taymiyyah et Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, et ensuite il mentionne Sayyid Qutb avec eux. Et ça, c'est de l'égarement, c'est grave, et il se fâche lorsque on met en garde contre ces égarements. Et pourtant, lorsque des gens attaquent les ulama de Ahl Sunnah et qui sont sur la voie des salafs, ils ne se fâchent pas du tout, ou presque pas, par rapport au fait que lorsqu'on critique les ulama, ça les dérange pas, mais quand on critique Sayyid Qutb, ça c'est un problème pour eux, donc ça montre leur position faible par rapport à la voie des salafs et par rapport à Al-Wala wal-Bara, parce que ça rentre dans Al-Wala wal-Bara aussi, puisque Al-Wala wal-Bara, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc si quelqu'un, quand on critique les ulama, ça te fait rien, mais quand on critique un mubtadi' ou un égaré, là tu t'énerves et tu te fâches, ça veut dire qu'il y a un problème dans ton principe de al-wala wal-bara. Il dit ensuite as-salafiyun yuhadhiruna min manhaj wa fikr ad-dal Usama ibn Laden, بينما السروريون القطبيون يثنون عليه ويجعلونه من أعلام هذا العصر ويدافعون عنه وعن شرذمته. Donc il dit que les salafis, ils mettent en garde contre le manhaj et contre les idées de l'égaré Usama bin Laden, tandis que les sururiyoun et les qutbiyoun, ils font son éloge et ils le prennent comme étant un des grands savants de cette époque, et ils le défendent, lui ainsi que son petit groupe. As-salafiyoun yad'ouna al-muslimina ila al-hirsi ala talab al-ilm ala al-akabir. Donc c'est ça. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure, je m'en souviens maintenant. C'est que à la mosquée Sunna, quand ils ont commencé, ils avaient toujours les cassettes. Ils faisaient la copie des cassettes de Safar al-Hawali, Salman al-Ouda, Aïd al-Qarni, Nasir al-Omar, et toute cette clique-là de ces jeunes-là qui faisaient la fitna à l'époque. Okay? Et les ulama qui sont reconnus, les grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh al-Albani et ces autres ulama-là, ils n'aimaient pas qu'on copie ces cassettes-là et qu'on les propage. Et quand ils ont remarqué que certains frères salafis qui étaient là-bas, ils ne faisaient pas les copies des cassettes de Safar et Salman, ils les remplaçaient, c'est-à-dire ils les enlevaient et ils faisaient venir quelqu'un d'autre. Des fois ils le faisaient subtilement et des fois ils le faisaient directement et clairement. Donc moi je me rappelle à l'époque, il y a un frère qui m'apprenait l'arabe, Bara, Bara al-Shami. Et lui, c'était un frère salafi là-bas. C'est lui qui était, celui qui m'a appris beaucoup de l'arabe. C'était un frère de la Syrie à l'origine. Et maintenant, il a fait la hijra. Maintenant, il est plus au Canada. Puis, lui, il faisait toujours les copies des mashaykh salafiyin, des ulama salafiyin, et il faisait les copies de des cassettes de Cheikh Al-Albani, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils ont remarqué ça, qu'ils ne faisaient pas les copies de Safari, des cassettes de Safari Salman. Ils ont ramené un autre, Sururi, puis qui venait d'arriver à Montréal, parce que les Saoudiens qui sont responsables de la mosquée, ils se font la relève. Quand un a fini ses études, il y en a un autre qui vient, il prend la relève de la mosquée. Donc, lui, c'était le nouveau, lui, et là, ils ont dit, bon, lui, il va t'aider pour faire les cassettes. Et en fait, c'était pas pour l'aider à faire les cassettes, c'était pour dire, on veut te changer, toi, on veut t'enlever parce que, toi, tu n'es pas sur notre voie, tu n'es pas sur notre manhaj. Et il y a plein d'autres frères, même celui qui est directeur de la mosquée, là, à Dara Arqam, Mourad, et Issa, c'est la même chose. Il était parmi ceux qui faisaient les cassettes de la mosquée. Il était dans la section des audios. Et c'est lui qui copiait les cassettes de la mosquée. Et puis, lui, ils ont vu qu'il refusait de faire les copies des cassettes des Hizbiyin et de Safar et Salman et de ces gens-là. Ils l'ont enlevé. Ils ont dit, soit tu fais ces cassettes-là ou bien on t'enlève. Et il y a une ancienne cassette de Cheikh Al-Albani au début où il avait, lorsque des gens étaient venus le voir puis il lui parlait de Safar et Salman, il disait que c'était des Sururiyoun. Et Cheikh Al-Albani il disait non, attendez, ces jeunes-là sont des biens, c'est des gens bien et tout, c'est des gens qui sont connus pour être, comme étant sur la Sunna. Il les a défendus au début. Donc, eux, ils propageaient cette cassette. Puis par la suite, quand Cheikh Al-Albani il les a réfutés, là, ils ont complètement rejeté. Parce que eux, ils font, c'est ça leur méthode. Ils ramènent des cassettes anciennes des ulama. Comme par exemple, il y a une fois où Cheikh Ibn Uthaymeen, il avait parlé en bien de Safar al-Hawali. Il était en présence de Safar al-Hawali. Et il lui a dit en personne, est-ce que tu fais le takfir des ulama? Il dit non. Est-ce que tu déclares celui qui fait des grands péchés des koufars? Il dit non. Donc c'est pas un khariji, ainsi de suite. Là, ils mettent cette cassette sur internet, ils disent, regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen, il parle en bien d'un tel, d'un tel. Alors qu'on sait que par la suite, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a mis en garde contre lui, et contre ces gens-là. Donc c'est ça. Mais beaucoup de gens, ils connaissent pas l'histoire, beaucoup de choses de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à cette fitna, ils sont pas au courant. Et donc, ils pensent que on dit n'importe quoi, mais au contraire, on est au courant de l'histoire. Et c'est sûr qu'au fur et à mesure, on va clarifier de plus en plus cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis même, il y a des frères qui sont à Montréal, là, qui étaient là-bas à l'époque, qui faisaient partie de ceux qui font les cassettes. Ils sont encore là aujourd'hui, peut-être. C'est pas tous les frères qui les connaissent, mais moi, je les connais. Et je le connais, le frère, puis d'autres frères aussi. Et ils peuvent même donner leur témoignage pour ces frères-là, s'ils veulent savoir la réalité, ils peuvent leur demander les questions, ils vont clarifier les questions. Et Mourad, le directeur de Dar al-Arqam, il était collé avec Soufiane, l'imam Soufiane. Il marchait avec lui, aller-retour, partout où il allait, pendant des années. Il le connaît très très très bien. Et après, il s'est séparé de lui. Il a vu que c'était pas le vrai manhaj. Et parmi, donc il y a plein de choses à raconter, je ne veux pas rentrer trop parce que des fois il y a des choses qui sont embranchées l'une dans l'autre. Si je rentre dans une question, ça veut dire que ça va m'amener dans d'autres sujets. Je ne veux pas trop m'étaler, mais si vous voulez, Inch'Allah, on clarifiera ça en temps voulu, Inch'Allah, lorsque nécessaire. Je ne sais pas si je vous avais raconté à l'époque même, quand il y avait la fitna en Algérie, et que les gens à Sunna, ils disaient que c'était le djihad là-bas. Et que à la sortie de la Jumu'ah, chaque vendredi, il y avait un gars qui se tenait en bas où il y a les chaussures, et qui vendait ses bayanats, qui disait « Akhbar al-Mujahideen fil-Jazair ». ils vendaient ça dans la mosquée. Hein? C'est grave des choses comme ça. Donc, il n'y a personne qui allait pour dire à ce gars-là, hey, vends pas ça ici dehors. Hein? Ça, c'est pas notre manhaj, ça. Non, parce qu'ils étaient d'accord avec ça. Hein? Et plein d'autres choses comme ça. Des exemples comme ça, tu peux les prendre avec la pelle, tellement il y en a. Hein? Donc ensuite, il dit, As-salafiyoun yuhadhiruna min manhaji. Donc on met en garde contre ces gens-là, tandis que eux, ils font l'éloge de ces gens-là, ils les défendent, ainsi de suite. As-salafiyoun yad'oun al-muslimina ila al-hirs, ala talab al-ilm, ala al-akabir, wal-iltifaf hawlahum waqt al-nawazil, wa fi nafs al-waqt yuhadhiruna min al-ishtighal بما لا ينفع كالسياسة لأنه لا فائدة منها ومبنية على التخمينات والتخرصات بينما السروريون القطبيون على خلاف ذلك فترى في كلامهم النفس الثوري والتحريص على القتال ودغدرة المشاعر بذكر ما يلاقيه بعض المسلمين المستضعفين من ظلم واعتداء كذلك يشغلون الشباب بما لا ينفعهم مثل الكلام حول الحكام والجهاد والأناشيد والتقارير السياسية وتحليل تصريحات أعداء الإسلام في وسائل الإعلام ويزهدونهم في طلب العلم فيقولون مثلا للسلفيين والمسلمين يقولون يعني للسلفيين إلى متى تقولون اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والمسلمون يقتلون من يعني يقتلون ويطردون من أرضهم. Donc ici c'est un point important. Il dit que les salafiyoun, ils incitent les gens à la science et à chercher la science et à étudier la science avec les grands savants et à rester autour d'eux, et en particulier dans les moments de fitna et quand il y a des grands problèmes dans la umma, de retourner autour des ulama, de rester avec eux, et en même temps ils mettent en garde de se préoccuper de qu'est-ce qui n'est pas bénéfique, comme par exemple de parler toujours de politique ou des choses qui n'ont aucun bienfait, et des choses qui sont basées sur des suppositions ou des devinettes, des choses qui ne sont pas certaines, comme qu'est-ce que je mentionnais tantôt, les complots des francs-maçons et des trucs comme ça. Des choses que tu ne peux même pas vérifier ça, si c'est vrai ou non, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est exact ou non. Tandis que les sururiyoun, eux, contrairement à ça, tu remarques dans leurs paroles qu'ils incitent toujours à la révolution, qu'ils incitent toujours, soi-disant, au combat et à jouer avec les sentiments et les émotions des gens, en parlant de qu'est-ce qui arrive aux musulmans qui sont faibles dans le monde, hein, comme injustice et transgression qui sont faites contre eux. Donc ils disent aux gens, ils disent aux musulmans, regardez qu'est-ce qui se passe dans tel pays, regardez qu'est-ce qu'on fait aux musulmans, regardez comment on viole les femmes, regardez comment c'est ça, pour attirer les sentiments et les émotions, pour exciter les esprits. Puis par la suite, ça amène les jeunes à faire des actes incorrects, contraires à l'islam, contraires à la charia, hein, et à faire des actes de terrorisme ou de rébellion par la suite. Comme le frère, il mentionne l'exemple, il dit, il y en a un qui est venu le voir et dit, vous avez que manger la nourriture, vous êtes bien ici au Canada, hein. Alors le frère lui a dit, mais toi, pourquoi toi tu pars pas? Il a dit, non, mais moi j'incite les gens à partir. Donc ça veut dire, j'ai pas besoin d'y aller parce que je fais juste inciter les autres. La base, c'est que tu commences par toi-même, soi-disant. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, ça c'est un exemple. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il dit donc que l'exemple Maïga, qu'est-ce qu'il mentionnait, ça c'est un exemple, comme on était, moi et lui, on est allé prier dans une autre mosquée, puis on a rencontré un jeune, il vient de la France, mais d'origine, je sais pas où il vient, en tout cas je pense qu'il est guinéen. Puis ce jeune-là, à chaque fois qu'il me voyait, il me posait toujours des drôles de questions, mais toujours pour faire des discussions, des débats. Est-ce que celui qui fait la prière, celui qui fait pas la prière, est-ce qu'il est kafir ou non? comme qu'est-ce qu'on mentionnait tout à l'heure au début, il essayait de dire comme si celui qui déclare pas kafir, celui qui fait pas la prière par paresse, que c'est comme pour dire que c'est un mourdi. Mais il ne le dit pas directement. Et il rentre toujours dans des sujets comme ça. Alors à un moment donné, j'ai remarqué qu'il faisait ce jeu-là, alors j'ai décidé de l'ignorer. Alors il commence à me poser des questions, et là je ne lui réponds pas, et je ne l'écoute pas. Et là il a fait sortir qu'est-ce qui était caché dans son cœur. On a vu apparaître sa rage. Et là, moi et mes gars, on est sortis de la mosquée, et là, ils commençaient à dire, on vous a pas vu en Tchétchénie, on vous a pas vu en Bosnie, on vous a pas vu telle place, mais vous êtes comme ça et comme ça. J'ai dit, subhanallah. Donc, ils commençaient à dire, vous êtes des mourdia, vous êtes des styles et ça. J'ai dit, subhanallah. J'étais étonné, parce que quand tu le vois en apparence, il n'est pas du tout comme ça. Et lui, il m'envoyait des emails pour me dire, c'est quoi le capitalisme, puis c'est quoi le socialisme, puis... il critiquait Cheikh Fawzan parce qu'il disait que Cheikh Fawzan il avait dit que le socialisme et le capitalisme c'était contraire à l'islam, et il dit ces savants-là ils connaissent pas c'est quoi le socialisme et le capitalisme, ils parlent sans connaissance, comme s'ils disaient n'importe quoi, subhanallah. Donc ça c'est des exemples de ces jeunes-là. Donc tu les vois, ils se préoccupent de qu'est-ce qu'ils disent dans les médias, de qu'est-ce qu'ils disent dans les journaux, parler au sujet des dirigeants du djihad, parler des anachides, des rapports de politique, des trucs comme ça, ou bien qu'est-ce que les ennemis de l'islam ont dit dans les médias, et ils s'écartent de la science et de l'apprentissage de la science, et ils disent aux salafis, jusqu'à quand vous allez répéter i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masa'il. Ça, c'est le début de Al-Usul al-Thalatha. Donc, ils disent, c'est jusqu'à quand que vous allez répéter aux musulmans le début de Al-Usul al-Thalatha, les cours de Al-Usul al-Thalatha, alors que les musulmans, ils se font tuer et ils se font chasser dans leur pays. Tu vois comment ils utilisent des ruses pour écarter les gens de la science. Donc, on a fini de toute façon. Il dit, ah oui, un point important, il dit, tambih. لا يشترط أن تجتمع في شخص واحد كل علامات القطبية السرورية حتى يحكم عليه بأنه قطبي سروري، بل القطبيون السروريون في هذه العلامات ما بين مقل ومستكثر تماما مثل الصوفية، فلا يشترط في الصوفي أن يوافق المتصوف في كل مخالفاتهم وعلاماتهم، فمن احتفل مثلا بالمولد النبوي وغيره من البدع وأثنى على أقطاب المتصوفة بل دافع عنهم ورأى جواز مبايعة إحدى الطرق الصوفية لكنه لا يعبد الصالحين ولا يستغيث بهم فهو صوفي شاء أم أبى. Donc il dit c'est pas une condition pour que on dise que quelqu'un c'est un soufi, que c'est un walikum salam rahmatullah. Il dit c'est pas une condition pour qu'on dise que quelqu'un est un sururi ou un qutbi qu'il ait toutes ces caractéristiques qu'on a mentionnées. S'il en a quelques-unes d'entre ces caractéristiques là, c'est suffisant pour dire que c'est un sururi, un qutbi. Parce qu'il y en a parmi les sururiens, ils ont plusieurs de ces caractéristiques, et donc d'autres qu'ils en ont moins. Il dit c'est la même chose que le soufi par exemple. Il dit un soufi, c'est pas une condition qu'il soit d'accord avec tous les égarements et toutes les positions des soufis pour être un soufi. Mais s'il est d'accord avec certaines caractéristiques des soufis, on va dire que c'est un soufi, même s'il n'est pas d'accord avec tout. Donc il donne comme par exemple, si quelqu'un il fête la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va y aller, ou bien qu'il fait d'autres bid'ahs, il fait les éloges des têtes des chefs des chouyours soufis, et il dit que c'est permis de donner la bay'a à une turuq soufia parmi les turuq soufia, mais en même temps il va dire non, je suis pas d'accord avec le fait d'adorer les morts ou de chercher le secours des morts, mais on va quand même dire que c'est un soufi, même s'il a pas toutes les, il est pas d'accord avec tout, mais il est d'accord avec certains points, donc on dit qu'il est soufi quand même. وليعلم أيضا أن أصحاب المنهج الواحد المخالف للسلف لو رد بعضهم على بعض فلا يخرج أحدهم يعني من منهجه، فلو قام ذلك المتصوف ورد على الصوفية الذي أشرت إليه رد على مثلا القبورية وأحل وحدة الوجود فلا يعني هذا أبدا أن الراد ليس صوفيا. وعلى هذا قس ويعني قس الآخرين وإذ وحاصل القول أن من صار على أصول فرقة معينة واتبع منهجها في العموم فإنه ينسب إليها وإن خالف في بعض المسائل. Donc il dit que même si quelqu'un, par exemple, qui contredit un principe parmi les principes des salafs, s'il réfute les gens dans un des points des erreurs de cette secte, ça ne veut pas dire qu'il en sort lui-même. Comme par exemple, si quelqu'un qui est soufi ou qui est dans le soufisme, mais il réfute certaines bid'as des soufis, comme l'adoration des tombes ou bien « wahdatul wujud ». Le fait qu'il réfute ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas soufi. Sauf que c'est un soufi moins égaré que les autres. Hein? D'accord? Mais il est toujours égaré, mais il est moins égaré. D'accord? Donc c'est pour ça que des fois les gens disent, est-ce que les soufis, par rapport aux soufis, hein, y en a qui posent la question à propos du soufi, on dit, le soufi, soit que c'est un extrémiste dans l'égarement, ou soit que c'est un égaré, mais... Il y en a ordinaire. Il y a des différences d'égarement selon la bid'a. Il y en a des bid'a, des soufis qui sont tellement dans des bid'a tellement graves qu'ils peuvent même sortir de l'islam, comme les gens qui croient en wahdatul wujud ou qui adorent les tombes et les morts. Et il y en a d'autres soufiyoun, on va dire d'eux qu'ils ont juste fait des erreurs ou qu'ils sont dans des péchés ou des égarements, mais ils ne sont pas nécessairement en dehors de l'islam. Comme les soufis à qui font le dhikr en groupe, ou bien qui font les danses dans les mosquées, ou des trucs comme ça, on va dire ça c'est des égarements, mais ça ne fait pas nécessairement sortir ces gens-là de l'islam. Ça les fait sortir de la sunna, mais ça ne les fait pas sortir de l'islam. Et il y a une différence entre sortir de l'islam et sortir de la sunna. Celui qui sort de la sunna, il devient mubtadi'. Celui qui sort de l'islam, il devient kafir. C'est pas la même chose. Hein? Bien entendu, c'est grave quand même de sortir de la sunna, parce que quand tu rentres dans la bid'a, tu es sous la menace, hein, quand même, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça, il faut comprendre donc, que si tu trouves un qutbi ou un sururi qui réfute certaines caractéristiques des sururis, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sururi. C'est ça que ça veut dire. C'est une analogie comme ça. Puis il dit pour terminer, il dit « هذه بعض الفروق الفاصلة بين السلفيين وبين القطبيين السروريين ». وأحببت ذكرها لإخواني ولا شك أن هناك فروقا أخرى لم تذكر فإن أصبت فمن الله الرحمن وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. Donc il dit qu'il y a beaucoup d'autres distinctions entre les salafis et les sururiya et les qutbiya, et je les ai pas toutes mentionnées. Il dit, si j'ai eu raison dans ce que j'ai mentionné, ça vient d'Allah. Et si je me suis trompé, ça vient du shaitan et de moi-même. Donc c'était quelques distinctions importantes à faire pour être capable de savoir la différence entre les soufis, les salafis et les sururis. Parce que vous avez par exemple, j'ai vu des gens par exemple qui disaient, ah, vous amenez une nouvelle salafia. Votre salafia, c'est la salafia al-jadida. Et comme s'il y avait une ancienne salafia puis une nouvelle salafia. Donc nous on dit non, il y a une seule salafia. Et la salafia c'est de suivre le Coran et la sunna selon la compréhension des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis sur cette voie. D'accord? Et si quelqu'un contredit ces principes-là ou cette voie-là, même s'il se dit salafi, il n'est pas salafi. Hein? Parce que qu'est-ce qui est important, c'est que la personne, elle ramène ses actions et ses paroles et ses croyances aux croyances de nos imams et de nos salafs, hein, dans le passé, qui nous ont précédés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Samedi prochain et dimanche prochain, il n'y aura pas de cours parce que je ne vais pas être là, mais on va recommencer la fin de semaine d'après, bi'idhnillah. Ok? Donc, inshallah.